Extrait de la troisième promenade. Entre guillemets, je deviens vieux en apprenant toujours. Solon répétait souvent ce vers dans sa vieillesse. Il a un sens dans lequel je pourrais le dire aussi dans la mienne. Mais c'est une bien triste science que celle que depuis 20 ans l'expérience m'a fait acquérir. L'ignorance est encore préférable. L'adversité sans doute est un grand maître, mais il fait payer cher ses leçons. Et souvent le profit qu'on en retire ne vaut pas le prix qu'elles ont coûté. D'ailleurs, avant qu'on ait obtenu cet acquis par des leçons si tardives, l'à-propos d'un usé se passe. La jeunesse est le temps d'étudier la sagesse. La vieillesse est le temps de la pratiquer. L'expérience instruit toujours, je l'avoue, mais elle ne profite que pour l'espace qu'on a devant soi. Est-il temps, au moment qu'il faut mourir, d'apprendre comment on aurait dû vivre ? Nous entrons en lice à notre naissance. Nous en sortons à la mort. Que sert d'apprendre à mieux conduire son char quand on est au bout de la carrière ? Il ne reste plus à penser alors que comment on en sortira. Jeté dès mon enfance dans le tourbillon du monde, j'appris de bonne heure par l'expérience que je n'étais pas fait pour y vivre et que je n'y parviendrais jamais à l'état dont mon cœur sentait le besoin. Cessant donc de chercher parmi les hommes le bonheur que je sentais n'y pouvoir trouver, mon ardente imagination sautait déjà par-dessus l'espace de ma vie à peine commencée, comme sur un terrain qui m'était étranger, pour se reposer sur une assiette tranquille où je puisse me fixer. Né dans une famille où régnaient les mœurs et la piété, élevé ensuite avec douceur chez un pasteur plein de sagesse et de religion, j'avais reçu, dès ma plus tendre enfance, des principes, des maximes, d'autres diraient des préjugés, qui ne m'ont jamais tout à fait abandonné. Enfant encore, et livré à moi-même, alléché par des caresses, séduit par la vanité, leurré par l'espérance, forcé par la nécessité, je me fis catholique, mais je demeurai toujours chrétien, et bientôt gagné par l'habitude, mon cœur s'attacha sincèrement à ma nouvelle religion. Lorsque ma destinée me rejeta dans le torrent du monde, je n'y retrouvai plus rien qui pût flatter un moment mon cœur. Le regret de mes doux loisirs me suivit partout et jeta l'indifférence et le dégoût sur tout ce qui pouvait se trouver à ma portée, propre à mener à la fortune et aux honneurs. Dès ma jeunesse, j'avais fixé cette époque de 40 ans comme le terme de mes efforts pour parvenir et celui de mes prétentions en tout genre. Bien résolu, dès cet âge atteint et dans quelque situation que je fusse, de ne plus me débattre pour en sortir et de passer le reste de mes jours à vivre au jour la journée sans plus m'occuper de l'avenir. Le moment venu, j'exécutais ce projet sans peine, et quoiqu'alors ma fortune sembla vouloir prendre une assiette plus fixe. J'y renonçais non seulement sans regret, mais avec un plaisir véritable. En me délivrant de tous ces leurres, de toutes ces vaines espérances, je me livrais pleinement à l'incurie et au repos d'esprit qui fit toujours mon goût le plus dominant et mon penchant le plus durable. Je quittais le monde et ses pompes, je renonçais à toute parure. Plus d'épée, plus de montre, plus de bas blanc, de dorure, de coiffure, une perruque toute simple, un gros habit de drap. Et mieux que tout cela, je déracinais de mon cœur les cupidités et les convoitises qui donnent du prix à tout ce que je quittais. C'est de cette époque que je pus dater mon entier renoncement au monde et ce goût vif pour la solitude qui ne m'a plus quitté depuis ce temps-là. Et quand ensuite, les hommes m'ont réduit à vivre seul, j'ai trouvé qu'en me séquestrant pour me rendre misérable, ils avaient plus fait pour mon bonheur que je n'avais su faire moi-même. Je vivais alors avec des philosophes modernes qui ne ressemblaient guère aux anciens. Au lieu de lever mes doutes et de fixer mes irrésolutions, ils avaient ébranlé toutes les certitudes que je croyais avoir sur les points qu'il m'importait le plus de connaître, car, ardent missionnaire d'athéisme et très impérieux dogmatique, il n'endurait point sans colère que sur quelques points que ce pût être, on osa penser autrement qu'eux. Ils ne m'avaient pas persuadé, mais ils m'avaient inquiété. Leurs arguments m'avaient ébranlé sans m'avoir jamais convaincu.